De retour à Futur Simple sur CKRL 89,1. Le harfang, c'est l'emblème aviaire du Québec. C'est un oiseau de proie, un magnifique oiseau blanc aux yeux jaunes. Il est très photogénique et les photographes amateurs le recherchent en hiver. Seulement, les méthodes pour le photographier sont contestables. Valérie, tu as rencontré des photographes qui t'ont parlé de cette méthode et qui t'ont dit ce qu'ils en pensaient. Mais commençons par le début. En fait, de quelle méthode de photographie s'agit-il? Alors, en fait, la méthode n'est pas nouvelle. Elle est utilisée depuis plusieurs années par des biologistes, par exemple, qui veulent capturer des oiseaux de proie pour diverses études. Donc, soit, par exemple, pour prendre le poids, les mesurer, ou pour les baguer, ou pour poser un émetteur de subombe. Donc, ils les capturent, après, ils les relâchent. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils repèrent un endroit qui est fréquenté par les oiseaux de proie. Ils y vont avec une souris, ils lâchent la souris, et l'oiseau de proie qui est dans le coin et qui guette les petits rongeurs plonge vers la souris. Le biologiste capture et fait les mesures qu'il a à faire. Donc tout ça, ça reste au niveau de la recherche et c'est une pratique quand même relativement mineure. Il y a quand même peu de chercheurs qui étudient les oiseaux de proie et ils ne sont pas toujours en train de les capturer. Mais il y a quelques années, il y a des photographes amateurs et professionnels qui ont eu vent de la méthode et qui se l'ont appropriée. Il y a eu d'ailleurs un reportage l'an dernier à la Semaine verte sur ce sujet-là. Et là, en quelques années, c'est devenu une pratique très courante. Donc, il y a de plus en plus de photographes. Il y a beaucoup plus de photographes d'oiseaux qu'on ne l'imagine. Et beaucoup se donnent rendez-vous dans les prés, là où sont les ornithologues pour faire des photos. Et en tout cas, il y a certainement plus de photographes que de biologistes. Donc, ça dépend. Balance un petit peu, ça augmente nettement la pratique. Donc, la pratique s'est répandue, mais est-ce au point de déranger les harfangs? Alors, c'est là toute la question et il n'y a pas vraiment de réponse tranchée. Mais ce qui est sûr, c'est que la pratique s'est largement répandue au point qu'il peut y avoir une dizaine de photographes sur un harfang. Les harfangs ont tendance à fréquenter des sites qui sont quand même assez stables. C'est comme beaucoup d'animaux, finalement, quand ils sont à un endroit où il y a à manger, ils y restent. Oui, c'est puis nous aussi, d'ailleurs. Alors, un champ dégagé avec des arbres ou des poteaux alentour où ils peuvent se percher et guetter les rongeurs qui oseraient s'aventurer sur la neige, pour les harfangs, c'est un bon endroit. Et du coup, pour les observateurs d'oiseaux ou les photographes, c'est aussi assez facile de les voir. C'est beaucoup plus facile de voir un harfang en terrain dégagé qu'un petit oiseau qui sautille dans les branchages entremêlés d'un bosquet. Donc, du coup, le harfang, c'est un emblème, c'est l'emblème aviaire du Québec, c'est un bel oiseau, c'est quand même assez facile de le voir. Donc, c'est très tentant de faire tout ce qu'on peut pour aller prendre des photos. Donc, l'information, quand il y a des gens qui savent où est un harfang, l'information circule sur Internet, sur les groupes ou parmi les photographes. Il y a un harfang à tel endroit et le lendemain, tout le monde arrive. Alors, il y a même des safaris photos qui sont organisés avec des touristes européens ou des touristes de l'Ontario qui viennent pour photographier les harfangs, pour faire du harfang. Et certains ont trouvé l'idée, même sont allés plus loin dans la pratique, ils ont trouvé l'idée d'attacher la souris à un fil pour l'esquiver quand l'oiseau arrive, pour pouvoir finalement utiliser plusieurs fois la même souris. Donc on imagine le manège là avec le harfang qui plonge, les photographes qui prennent leurs photos, puis on esquive leur photo, la souris, le harfang qui remonte dans les airs, et puis on recommence, ainsi de suite. Pas très drôle pour la souris non plus. Non, c'est fait, mais on peut se demander si le harfang ne devient pas un peu apprivoisé avec cette pratique. C'est l'une des questions, effectivement. Les harfangs les photographes ont bien remarqué le harfang qui passe l'hiver dans un lieu donné, mais le harfang lui aussi, il a compris le manège. Il a bien vu que quand les voitures se stationnent le long du pré, il en sort des humains qui apportent des souris. Donc, le repas arrive avec les voitures. Alors, certains se demandent si le harfang ne va pas désapprendre à chasser. En fait, les photographes à qui j'ai parlé m'ont dit probablement pas, car le phénomène ne dure que l'hiver et le harfang, il doit chasser toute l'année. Et puis, quand on parle d'instinct de chasseur, un instinct, ça se perd pas comme ça. Donc, ce n'est pas ce qui inquiète le plus les photographes à qui j'ai parlé. Ce qui les inquiète, c'est plutôt, par exemple, le gavage. Parce que pendant une séance de photo, le harfang va finalement manger plus de souris que ce qu'il n'en aurait réellement besoin. Un autre problème qui est évoqué aussi, c'est celui de la qualité nutritive des souris, parce que bon, ce sont des souris qui sont achetées dans les animaleries, c'est pas les souris naturelles dont se nourrit le harfang. Donc elles n'ont peut-être pas, ces souris n'ont peut-être pas l'apport en gras ou en protéines ou je ne sais pas qui convient à l'alimentation du harfang et qui lui permet réellement de passer l'hiver. Donc ça correspond peut-être pas à ce dont il a besoin. Donc c'est une autre inquiétude aussi des photographes. Mais de l'autre côté, peut-être que ça peut aider les harfangs à passer l'hiver. Ben ça, dans ce cas-là, ce serait une aide artificielle. Alors, c'est vrai que les animaux, les harfangs et les animaux, en général, n'ont pas besoin pour se nourrir, n'ont pas besoin de l'homme, ils se nourrissent par eux-mêmes en hiver. Donc, et s'ils ne parviennent pas à se nourrir, ben c'est qu'ils sont trop âgés ou qu'ils sont malades ou qu'ils sont faibles pour une raison ou une autre. Et ça s'appelle la sélection naturelle. Donc, aider un animal qui n'est pas apte à se nourrir, c'est pas forcément aider l'espèce. Ça aide peut-être ponctuellement l'individu, c'est ça, mais c'est pas ce qui va aider l'espèce. Donc, la loi nature, c'est pas toujours une loi tendre. La sélection naturelle élimine les individus qui ne peuvent pas forcément se nourrir par eux-mêmes et donc se reproduire. Donc ce n'est pas vraiment aider le harfang en général que de nourrir des individus trop faibles pour se nourrir par eux-mêmes. Et puis c'est sans compter que peut-être que ça aiderait ce harfang-là à se nourrir, mais il y a des risques de collision avec les voitures. Les harfangs, ils volent des fois quand ils sont en vol, presque en vol plané, pas en vol plané, mais quand ils volent, ils sont des fois à un mètre du sol. Ils n'ont pas la vision suffisante pour voir éventuellement une voiture qui arriverait. Donc il y a des risques. Et s'il y a 10 voitures dans le coin avec des gens qui sortent, qui vont et viennent, ça fait quand même du trafic. Donc, il y a des risques de collision avec les voitures. Donc, peut-être que ça va les aider à se nourrir, mais c'est au risque aussi de collision. De collision avec les voitures. Finalement, on peut se demander ce qu'il y a aussi de naturel à photographier avec cette pratique. Ça ressemble plutôt à une mise en scène. Ben, c'est ça. C'est ce que pensent effectivement les photographes à qui j'ai parlé. Le harfang, finalement, devient plus une bête de cirque qui fait son numéro et c'est plus vraiment le prédateur à l'affût de sa proie. Si on veut photographier dans la nature. C'est ça, on s'imagine le harfang qui guette sa proie, qui va fondre sur lui, mais là finalement il fond sur quoi? C'est un petit peu artificiel. Donc, puis il y a aussi l'aspect consommation, on achète les souris, on les attache même pour pouvoir les rentabiliser, ça va coûter moins cher. on peut recommencer plusieurs fois la photo pour être sûr d'avoir une belle photo dans la journée, sauf qu'il n'y a rien d'original parce que tous les photographes qui sont sur le terrain vont avoir fait la même photo. Donc c'est pas du prêt à porter, mais j'ai envie de dire que c'est du prêt à photographier. Ça va pas apprendre grand chose sur la biologie de l'oiseau, sur son comportement, sur son habitat, puisque bon, dans une telle pratique, tout est artificiel finalement. Donc c'est pas tous les photographes qui ont cette pratique-là. Finalement, il y a quand même c'est chaudement discuté sur les sites d'ornithologie. Donc il y a d'autres photographes qui eux préfèrent aller dans la nature, repérer un endroit. Ou l'habitat naturel du harfang, sa pratique naturelle, donc ça veut dire connaître la biologie de l'oiseau, dans quel type d'habitat on peut le rencontrer, exactement. Battre la campagne pour trouver cet endroit-là. Puis une fois qu'on l'a trouvé, l'oiseau il est pas toujours à l'heure, il va être de temps en temps, mais pas tout le temps, donc faut attendre qu'il soit effectivement là, faut attendre bien tapis pour pas lui faire peur, puis il n'y a pas toujours une souris qui va surgir du sol pour que le harfang ou autre oiseau plonge dessus. Donc, ça demande la patience, mais ça va permettre d'observer les vrais comportements de l'oiseau. Donc, c'est une question qui est chaudement débattue sur un site d'ornithologie et de photographes. Et il y a aussi d'ailleurs des agents du ministère des Ressources naturelles et de la faune qui étudient la question éventuellement pour légiférer. Donc, à voir comment ça va évoluer. Alors, merci beaucoup, Valérie. Alors, on va faire une pause publicitaire et on vous revient avec Mélanie Jean qui va nous parler des migrants climatiques. Je vous rappelle que vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89,1.